Aujourd'hui, dans Affaires Sensibles, retour sur la mort d'Ayrton Senna au Grand Prix de Formule 1 de Saint-Marin le 1er mai 1994. Ce jour-là, sur le circuit d'Imola, par un dimanche ensoleillé, la course automobile laissait une partie de son âme sur le béton de la courbe du Tamburello lorsque la monoplace du triple champion du monde brésilien s'y brisait. Ce jour-là, le sport automobile en général perdait un seigneur, l'un de ses plus grands champions, l'un de ces génies qui marquent de leur empreinte éternelle toute une génération de pilotes et des millions de fans, bien sûr. Ce jour-là, enfin, c'est tout un pays qui n'a pas pu retenir ses larmes et sa peine. Son pilote, son champion, Ayrton Senna, quittait la piste pour devenir un mythe. 21 ans après, personne n'a oublié le nom ni le talent de ce fantastique pilote qui était Senna, funambule des circuits, virtuose de la trajectoire, perfectionniste du moindre réglage. Il n'en restait pas moins une personnalité fascinante par son côté secret, pour ne pas dire mystique. Senna, l'archange déchu de la Formule 1, c'est dans cette histoire que nous avons décidé de nous replonger aujourd'hui en compagnie de notre invité, Lionel Froissart, journaliste sportif pendant 30 ans pour le journal Libération. Il a couvert année après année les péripéties de ce champion hors norme qu'était Senna, champion qu'il a d'ailleurs rencontré et côtoyé à de nombreuses reprises. Il est l'auteur de plusieurs ouvrages de référence sur la carrière du pilote et plus récemment d'une bande dessinée intitulée Ayrton Senna, histoire d'un mythe. Il sera avec nous tout à l'heure pour en parler. Affaires Sensibles, une émission de France Inter, en partenariat avec le journal Libération, préparée par Adrien Cara, avec le soutien des documentalistes de Radio France et de l'INA. Attaché de production, Léa Dupouy-Henquin et Ida Bory, coordination Christophe Barrère. Programmation musicale, Thierry Dupin, comédien Maëva Pasquali et Philippe Pirard. Réalisation, Jérôme Chélius et Coy Nguyen. À la technique aujourd'hui, Elisabeth Collet, Antoine Fortin. Fabrice Drouel. Affaires Sensibles sur France Inter. Dimanche 1er mai 1994, circuit d'Imola, République de Saint-Marin, il est 13h50. Sous le soleil radieux de l'Émilie-Romagne, le grand cirque de la Formule 1 et son cortège de fans se préparent à vivre le troisième Grand Prix de la saison, le premier sur le continent européen. Dans les tribunes, l'ambiance est à la fête. Le public attend frénétiquement le départ de ces monstres mécaniques de près de 800 chevaux et le vrombissement de leurs moteurs de 10 ou 12 cylindres en V. En Italie, le printemps n'est pas la très mauvaise plaisanterie qu'il est en France. Sur la piste, la chaleur est intense. L'air exhale une odeur d'essence et d'huile moteur. Dans un brouhaha qui semble sans fin, la foule des mécaniciens est à pied d'œuvre pour les derniers réglages sur les monoplaces des monstres capables d'atteindre les 100 km/h en 2 secondes et 8 dixièmes et auxquels il ne faut que 12 secondes pour dépasser la barre des 300 km/h. C'est dire si ici chaque pièce, chaque ajustement, chaque modification demeure déterminante pour la performance mais aussi pour la sécurité des pilotes. À 13h55, les mécaniciens quittent progressivement la grille de départ. Au milieu de toute cette agitation, on découvre les monoplaces alignées comme des notes de musique sur une partition prête à s'élancer. En première ligne de la grille, la pole position, comme disent les spécialistes, s'est installée le Williams Renault d'Ayrton Senna, le pilote brésilien, triple champion du monde de la discipline. C'est la 65e fois qu'il s'installe en pole, après avoir réalisé la veille le meilleur temps des essais qualificatifs. À ses côtés, l'Allemand Michael Schumacher, au volant de sa Benetton. En deuxième ligne, la Ferrari de l'Autrichien Gerhard Berger, qu'accompagne le Britannique Damon Hill, au volant de la deuxième Williams. Les pilotes se tiennent dans un mouchoir de poche. L'écart n'est que de 6 dixièmes de seconde. La Formule 1 est devenue nano-compatible. Derrière eux, 21 autres pilotes sont prêts, eux aussi, à en découdre. La course s'annonce donc serrée. Installés et harnachés dans leurs sièges baquets comme dans un rituel sacré, les pilotes enfilent leur cagoule avant de mettre leur casque pour 61 tours de piste à près de 200 km/h de moyenne. Mais ce dimanche 1er mai 1994, à Imola, à ce moment précis, dans la tête de tous les pilotes, l'anxiété a pris le pas sur la réalité de la course et son plaisir. Tous ont la tête ailleurs. Tous pensent aux tragiques événements qui se sont déroulés sur cette même piste, la veille et l'avant-veille. En effet, le samedi, lors de la deuxième séance des essais qualificatifs à 13h20, le jeune pilote autrichien Roland Ratzenberger, au volant de sa modeste Simtek, sort très violemment de la piste et percute le mur de sécurité à près de 300 km/h. Héliporté dans un état critique vers l'hôpital, il est déclaré mort en fin d'après-midi. dans le paddock. Le choc est immense. Et il s'ajoute à une autre sortie de piste, celle du Brésilien Rubens Barrichello, elle aussi spectaculaire, mais heureusement, sans graves conséquences pour le pilote. Face au journaliste qui l'interroge à la sortie des qualifications, Ayrton Senna ne peut cacher une certaine appréhension avant la course. J'avais de mauvaises sensations pour conduire la voiture et la pousser vers ses limites. Je n'ai pas eu un tour sur lequel je me suis senti vraiment parfaitement à l'aise. Et puis avec tous ces accidents, je n'étais pas vraiment confiant. Parmi les journalistes présents, beaucoup ressentent chez les pilotes une tension. Car dans ce monde si calfeutré et pointilleux qu'est la Formule 1, l'accident de Barrichello et la mort de Ratzenberger rappellent brutalement que ces machines et leurs pilotes ne sont pas infaillibles. Et que malgré tous les progrès de la technique, à ces vitesses, la moindre erreur, le moindre défaut mécanique ou encore le moindre aléa sur la piste peut faire d'une Formule 1 un missile mortel. Pourtant, malgré leur peine, les pilotes le savent, les immenses enjeux sportifs, mais surtout financiers liés au championnat du monde de Formule 1, leur imposent de participer, coûte que coûte, au Grand Prix du dimanche. Le samedi, en fin d'après-midi, Ayrton Senna est l'un des premiers à s'enquérir du sort de Roland Ratzenberger. Il sera l'un des premiers à apprendre sa mort. Choqué, il veut à ce moment comprendre dans quelles conditions la voiture est sortie de piste. Où a-t-elle tapé le mur? Avait-elle un défaut? Roland a-t-il commis une erreur? Quelles sont les conséquences pour la sécurité de l'épreuve? Comme seule réponse à ces questions, Senna se verra refuser l'accès à la zone de l'accident par les responsables du Grand Prix. Très ému, il téléphone le soir même à sa petite amie Adriana, à qui il confie qu'il ne veut pas disputer cette course, qu'il ne la sent pas. Il y a, dit-il, quelque chose qui ne va pas à Imola. Je ne veux pas courir. Plus étonnant encore, le dimanche matin, quelques heures avant le Grand Prix, il s'entretient avec Jean Alesi, pilote pour la Scuderia Ferrari, blessé lors d'un accident et qui ne participe pas à la course. Ce dernier racontera plus tard cet échange qu'il a eu avec le pilote brésilien. Dimanche matin, Ayrton voulait me voir. Bouleversé par l'accident de son ami brésilien Rubens Barrichello et par la mort de Roland Ratzenberger. Il souhaitait qu'avec Michael Schumacher et Gerhard Berger, nous nous réunissions pour faire quelque chose pour la sécurité des pilotes. Pour lui, la situation dans laquelle nous nous trouvions depuis notre arrivée à Imola avait atteint un seuil critique. À la fin de notre discussion, il m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit « Jean, notre jeu a atteint ses limites ». Lors du briefing d'avant-course, Ayrton Senna soumet la proposition aux pilotes de relancer leur syndicat dans les semaines qui viennent pour tenter de faire progresser la sécurité à bord des monoplaces, ce qui concerne aussi les circuits, bien sûr. Si le pilote brésilien doute autant ce week-end du 1er mai, c'est aussi parce que cette saison 1994 a commencé pour lui sous les plus mauvais auspices. Il débarque à Imola sans aucun point à cause d'une sortie de piste et d'un accident lors des deux premiers Grands Prix de la saison. Son nouvel adversaire, le jeune Michael Schumacher, réalise à l'inverse un parcours sans faute. Senna le sait, à Imola, il n'a pas le droit à l'erreur. Et puis, celui qui est alors triple champion du monde de la discipline se sent seul. Déçu par les performances de sa McLaren, il est passé cette année chez Williams, dans le baquet le plus convoité du plateau, celui qu'occupait son grand rival, Alain Prost. Prost, Senna, Senna-Prost. Ou l'histoire d'un duel historique qui aura marqué le sport automobile comme le duel Borg-McEnroe aura ponctué les grands moments du tennis, par exemple. Une histoire de haine et de passion qui a donné des dépassements fantastiques et des accrochages ô combien restés dans les annales. Or, en ce début d'année 94, le Français ne court plus. Il a pris sa retraite après une décennie d'activité, abandonnant son grand rival, seul en piste désormais. Invité le matin du Grand Prix par TF1 à faire découvrir en direct aux téléspectateurs le tracé du circuit d'Imola, Ayrton Senna en profite pour adresser un étonnant message à son ancien rival. À mon ami Alain. Tu me manques, Alain. Alors toujours en direct d'Imola avec nous Alain Prost. Alain, c'est sympa ce petit message d'Ayrton à votre égard. Oui, c'est sympa, c'est assez inattendu. Bon, là, on vient de se saluer, de se serrer la main, mais je crois que... Comme on l'a dit en fin d'année, à partir du moment où on n'est plus vraiment rivaux sur la piste, il n'y a aucune raison qu'on ne soit pas copains, sinon amis, mais peut-être même amis dans le futur, on ne sait jamais. La spontanéité de ce geste, avec sa charge symbolique, laisse imaginer l'état mental dans lequel l'est plongé Ayrton Senna, quelques heures seulement avant de prendre le départ du Grand Prix. Sur la grille de départ du circuit d'Imola, il est désormais 13h59, ce dimanche 1er mai 1994, lorsque les monoplaces reviennent de leur tour de formation et se présentent pour prendre le départ. La tension est à son maximum. Le départ est une étape cruciale où il est souvent possible, au prix de manœuvres audacieuses, de dépasser quelques concurrents pour prendre la tête et surtout la garder. Sous leur casque, chacun des 25 pilotes travaille à sa concentration. À la télévision, les journalistes commentent la scène. Tout ce beau monde va s'aligner peu à peu. Il faut faire vite car les moteurs des premières lignes commencent déjà à chauffer un petit peu. À droite sur votre écran, Ayrton Senna et sa Williams Renault. À gauche, Michael Schumacher. Des moments extrêmement émouvants. Vous savez que c'est le troisième Grand Prix de la saison 1994. Le drapeau vert signe que le starter peut envoyer le feu rouge, puis le feu vert. Oui, c'est Gigi Leto qui a calé au départ. Tout le monde a pu l'éviter, sauf une Lotus. Pedro Lamy. Celle de Pedro Lamy, tout à fait. Le départ n'échappe pas à la spirale de ce week-end décidément maudit, avec une collision dont les débris s'envolent à plusieurs mètres, retombent et blessent deux spectateurs, ainsi qu'un commissaire de piste. Une roue finit même dans la tribune. Dans les minutes qui suivent, la voiture de sécurité entre sur le circuit pour neutraliser la course. Les pilotes, qui ont désormais interdiction de dépasser, se placent derrière à allure réduite et zigzag pour continuer à faire chauffer leurs pneumatiques. À l'entrée du sixième tour, la voiture de sécurité s'éclipse enfin pour redonner aux pilotes la possibilité de faire parler toute la puissance de leur moteur. Et la course repart. Senna est en tête, talonné de très près par Schumacher. Classique. De chez elle à Bologne, le docteur Maria Fiandri passe un dimanche en famille. Les enfants sont installés devant la télévision pour suivre le Grand Prix. Dehors, les rues désertes offrent déjà un parfum d'été. D'astreinte, un beeper à la ceinture, elle somnole sur sa terrasse. Quand soudain, elle est réveillée aux environs de 14h20 par les appels répétés de ses enfants. Les enfants se sont mis à crier en me disant « Maman, viens vite !» Quand je suis arrivée dans le salon, j'ai été saisie par la violence des images de l'accident qui passait en boucle à la télévision. On y voyait cette Formule 1, blanche et bleue, quitter soudainement sa trajectoire en pleine courbe, franchir la maigre bande d'herbe et de sable pour aller percuter de plein fouet le mur de béton qui longe le circuit. Puis, comme ce théâtre d'horreur ne suffisait pas, on voyait la voiture rebondir de quelques mètres en se disloquant avant de s'immobiliser dans le bac à sable. À ce moment-là, les enfants m'ont dit « C'est la voiture de Senna, c'est la voiture de Senna ». Ils ont dit qu'il a heurté le mur à plus de 300 km/h. Dubitative, j'observais l'épave de cette voiture en espérant y déceler un quelconque signe de vie. Mais la tête du pilote, pliée en avant par le poids de son casque, ne laissait rien présager de bon. Le temps paraissait interminable avant que les secours n'interviennent. Puis, dans les minutes qui ont suivi, le téléphone de la maison s'est mis à sonner. C'était le docteur Gordini qui m'appelait de l'hôpital pour me dire qu'il y avait de fortes chances pour que le blessé de l'accident du Grand Prix soit transféré là-bas après sa prise en charge. Comme sonné par la nouvelle, je lui ai simplement répondu que j'arrivais au plus vite. Sur la route pour rejoindre l'hôpital, je n'arrivais pas à effacer les images de l'accident de ma tête. And Senna, my goodness, I just saw him plunge off to the right, and Senna, you can see the debris on the right, what on earth happened there, I don't know, but Senna is still in the car. Dans la courbe des virages de Tamburello, là où a lieu l'accident, Ayrton Senna gît dans l'épave de sa voiture, son casque jaune comme le soleil est penché en avant. Dans le stand Williams, les mines sont crispées. Frank Williams, le patron de l'écurie, a les mains sur la tête. C'est la consternation. Tous regardent en direct l'intervention des équipes de sécurité et attendent les secours sur les écrans de télévision. Et ils revivent, minute après minute, les images de l'accident. La course est immédiatement placée sous drapeau jaune, puis interrompue par le drapeau rouge. Dans la tribune de presse, le journaliste Jean-Louis Moncet témoignera plus tard de l'étonnante scène qui s'est jouée au bord de la piste lorsque les équipes de sécurité du circuit se sont approchées de l'épave de la voiture. Ils foncèrent, et puis, à environ 2 mètres, ils s'arrêtèrent, net. Plus étonnant encore, certains d'entre eux reculèrent, n'osant plus s'approcher. Bien sûr, ils étaient commissaires de piste et pas médecins, et par conséquent, il valait mieux attendre l'équipe de première urgence. Mais la vérité, c'est qu'ils venaient de découvrir quelque chose de stupéfiant, d'extravagant, de terrifiant. L'archange gisait dans sa monoplace comme foudroyé. À Après plusieurs minutes, c'est l'équipe d'intervention médicale, constituée de plusieurs véhicules, qui arrive sur le lieu de l'accident. La quinzaine de médecins et d'infirmiers formés à ce genre de situation d'urgence procède immédiatement à la désincarcération du pilote et pratique sur lui les premiers gestes de secours, intubation, massage cardiaque. Sur les écrans de télévision, on aperçoit une foule d'hommes en combinaison blanche et rouge s'affairer sur le corps d'Ayrton Senna, allongé sur le sable, sur le bord de la piste. Seules les jambes du pilote, immobiles, apparaissent à l'écran. Quand soudain, résonnent au-dessus du circuit les pales de l'hélicoptère médicalisé qui vient se poser en plein milieu de la piste à une centaine de mètres du pilote inconscient, des équipes de secours et de sa monoplace détruite. Mais dans l'incompréhension et la tension qui règne sur le circuit, quelques minutes plus tard, une Formule 1 déboule à plus de 200 km/h sur le lieu d'accident. C'est la Larousse du Français Éric Comas qu'on a autorisé à sortir des stands. Celui-ci comprend immédiatement l'erreur qui a été celle des commissaires des stands et par chance, il a le temps de s'arrêter. Les spectateurs sont ébahis par ce spectacle. Comment, alors que la course était censée être totalement interrompue, a-t-on pu laisser partir de nouveau un pilote sur la piste? Cet incroyable épisode prouve à quel point il flotte au-dessus d'Imola en ce week-end de Grand Prix, un climat de confusion extrême. 16 minutes après l'accident, le corps d'Ayrton Senna est transporté par les médecins sur une civière pour être placé dans l'hélicoptère de secours. Celui-ci décolle en direction de l'hôpital de Bologne. À ce moment précis, tous les spectateurs accompagnent des yeux l'engin qui emmène Ayrton Senna vers son destin. Tout le monde veut croire que le pilote brésilien va s'en sortir. You sure you wanna be with me? I've nothing to give. But lines say this loving's best. Will leave us in emotional pace. Take a walk, taste a rest. No, take a rest. I seen you digging a hole in your neighborhood. You're crazy, but you're lazy. No need to live in a lean-to. Your troubles must be seen to. See through money like it's paper. With faces I remember. I drink on a daily basis. The way soda cools my temper. It never cools my temper. Walking through the suburbs, they're not exactly lovers, you're a couple. Especially when your body's double duplicate, and then you wait for the next Kuwait. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. Karma coma, Jamaica and Roma. C'est donc en fin d'après-midi, dans un communiqué laconique, que la mort du triple champion du monde de Formule 1, Ayrton Senna, a plongé dans la stupeur le monde sportif. La nouvelle officielle de son décès provenait de l'hôpital de Bologne, où il avait été transporté en urgence par hélicoptère. L'encéphalogramme est maintenant plein, Ayrton Senna est en état de mort clinique, il n'y a plus aucun espoir. En quelques mots, les responsables de l'hôpital de Bologne ont annoncé le décès du pilote brésilien, accidenté en début d'après-midi sur le circuit d'Imola. Arrivé par hélicoptère à l'hôpital à 14h45, le triple champion du monde était déjà dans un coma profond. Les médecins l'ont tout de suite mis sous respiration artificielle et ont procédé à de nombreux examens. Ceux-ci ont révélé une hémorragie cérébrale très importante avec perte de liquide au niveau des ventricules, doublé de multiples fractures à la base du crâne. L'équipe médicale n'a rien pu faire. Devant l'état désespéré d'Ayrton Senna, une possible opération a même été jugée inutile. Rome, Emmanuel Delatre, France Inter. Dans le hall de l'hôpital, plusieurs dizaines de personnes, des admirateurs du champion, se sont rassemblés, sont parmi les premiers à apprendre la terrible nouvelle. Pour beaucoup, c'est le choc. Personne ne veut croire que Senna est mort, lui qui paraissait invincible au volant de sa Formule 1. Le frère du champion s'est éclipsé quelques minutes plus tôt par une porte dérobée pour éviter la foule de journalistes qui s'oppressent dehors pour obtenir des informations. Ce soir-là, c'est une chape de plomb qui est tombée sur Imola et sur le monde des sports mécaniques. Dans l'indifférent général, l'Allemand Michael Schumacher s'impose dans ce qui restera à jamais un week-end maudit pour la Formule 1. La nouvelle de la mort d'Ayrton Senna fait rapidement le tour du monde. Pour tous, c'est un drame. Senna était plus qu'un grand pilote et un grand champion. Il était une icône. L'émoi est tel qu'au Japon, plusieurs centaines de personnes viennent se recueillir devant l'usine Honda, équipe qui motorisait la McLaren du pilote les années précédentes. Il était vraiment héros national au Japon parce qu'il a cru pour Honda. Il a gagné donc le championnat avec Honda, donc il est moitié japonais, il est moitié brésilien. Ouais. Vous croyez que le Japon est très triste ? Très triste, consterné. Il est incontestable que Senna, plus que quiconque, et surtout plus que n'importe lequel de ses pairs, mesurait la fragilité de son triomphe et la magie de cet exercice qui était devenu sa vie. À 34 ans seulement, il avait remporté 41 victoires en Grand Prix, un record à ce moment-là. C'est en 1984 qu'Ayrton Senna se révèle au grand public en terminant deuxième du Grand Prix de Formule 1 de Monaco sous des trombes d'eau. Un phénomène est né, une légende aussi. Celle d'un pilote jeune loup du paddock qui remporte sa première victoire l'année suivante, en 1985, au volant d'une Lotus Renault encore sous le déluge à Estoril, au Portugal. Et c'est bien dans ces conditions extrêmes qu'on peut se rendre compte du talent et de la virtuosité d'un pilote. Et celui-là conduit tel un funambule en équilibre permanent entre la trajectoire ultime et la sortie de piste. Puis c'est le duel fratricide avec son meilleur ennemi, Alain Prost. Une passe d'armes dont les belles illustrations sont ses accrochages spectaculaires car volontaires. Au Grand Prix du Japon, à Suzuka, deux années de suite qui ancreront toujours et un peu plus Senna dans cette caste de pilotes hors normes à l'aura démesurée, comme l'explique Jacques Lafitte, joint par France Inter. Je crois que c'est certainement le plus grand champion que la course, il est connu depuis une vingtaine d'années. Il y a eu les années Prost, maintenant c'était les années Senna. Je crois que Senna avait démontré une clairvoyance et une vista de la course automobile qui était très impressionnante. Je me souviens d'une course qu'il avait faite à Spa avec des pneus slick alors que tout le monde était en pneus mouillés. Il avait été très impressionnant, c'était un garçon très courageux, très honnête je crois avec lui-même. Et voilà, c'est toujours les meilleurs qui s'en vont malheureusement. Travailleur infatigable, exigeant avec lui-même et avec ses ingénieurs, il peut passer des heures après les courses dans des réunions techniques pour essayer de déceler le moindre défaut de sa voiture. Cette obsession le pousse presque à la déraison lorsqu'il demande un jour au technicien des casques Bell de ne pas passer sur le sien, qu'une seule couche de vernis au lieu de quatre, afin de gagner du poids. Ou alors, il demande à l'un de ses techniciens de raccourcir une sangle pour gagner 5 malheureux grammes. Mais c'est à ces détails aussi infimes qu'on peut mesurer le caractère singulier de ce grand professionnel. Déjà triple champion du monde de la discipline en 1994, il ne compte pas s'arrêter là. Deux ans auparavant, en pleine séance de qualification pour le Grand Prix de Belgique sur le circuit de Spa, il prouve qu'il n'est pas qu'un simple champion solitaire, mais qu'il est prêt à aider les autres au péril de sa propre vie. En effet, ce jour-là, le pilote français Éric Comas est victime d'une terrible sortie de piste. Assommé lors du choc, le Français est immobile, évanoui dans sa monoplace, le pied écrasant la pédale d'accélérateur, ce qui fait hurler le moteur. Il raconte la scène. Ayrton est arrivé et il a tout de suite entendu le bruit, le rugissement du moteur qui était à 7-8 000 tours. Donc lui a arrêté sa voiture ? Il a arrêté sa voiture, défait son harnais, il est venu en courant, alors qu'il y a encore des concurrents qui arrivaient ralentis par les drapeaux jaunes, mais la piste n'était pas dégagée de tout danger. Et il a cherché le coupe-circuit et il a coupé le contact général de ma voiture parce qu'effectivement à ce moment-là il y avait quand même un risque important d'explosion ou tout du moins d'incendie avec suite à l'impact de la voiture. Il y avait quelques fuites et on ne sait pas ce qui aurait pu se passer. En quelques secondes ça aurait pu exploser. Ça aurait pu, probablement que ce jour-là Ayrton m'a sauvé la vie. Dans un tout autre registre, Ayrton Senna cultive cette image de personnage introverti, timide et sensible. Mais derrière cette carapace, ceux qui l'ont connu parlent d'un homme expressif qui aimait les enfants, à qui il donnait beaucoup, notamment pour financer les orphelinats, au Brésil. Il est mort sans avoir pu réaliser les deux grands rêves de sa vie, piloter pour l'écurie Ferrari et avoir lui-même des enfants. France Inter, Affaires sensibles, Fabrice Drouel. Aujourd'hui, la mort d'Ayrton Senna. Notre invité, c'est Lionel Froissart, journaliste sportif pendant 30 ans pour le journal Libération. Nous lui donnerons la parole dans quelques minutes. Dans les jours qui suivent l'accident, la polémique va enfler autour de la mort du pilote brésilien. Car si la disparition de Roland Ratzenberger avait été constatée sur le circuit et non à l'hôpital, comme le veut la loi italienne, il n'y aurait pas eu de course et donc, on peut l'imaginer, pas d'autres accidents. Ayrton Senna serait peut-être encore en vie. En toile de fond de cette affaire, il y a encore et toujours les intrigues douteuses et brumeuses, car financières, de la Fédération Internationale de l'Automobile. Un pilote mort sur la piste signifie un Grand Prix annulé, donc de lourdes pertes pour la Fédération, les sponsors et les diverses écuries. Autre élément étrange dans cette affaire, dans le cas de l'accident de Senna, celui-ci a été déclaré mort à l'hôpital, mais alors, pourquoi le président de la Formula One Management, Bernie Ecclestone, a-t-il annoncé aux frères du pilote que celui-ci était décédé 15 minutes après l'accident, alors qu'il était encore allongé sur le bord de la piste? Que retenir de tout cela? Que rien n'était assez fort pour arrêter ce spectacle automobile, même dans ces conditions? Pour couper court à toute polémique, le docteur Guerra, directeur de l'hôpital de Bologne où a été transporté Senna, donne un grand entretien au journal italien Gazzetta dello Sport, dans lequel il explique. Les documents cliniques mentionnant le suivi diagnostique établissent de la manière la plus claire qu'Ayrton Senna est mort à 18h40 le 1er mai quand son cœur a cessé de battre. Toute interprétation ou déduction tirée des déclarations des médecins faites en direct à la télévision porterait gravement atteinte à leur honorabilité et à leur professionnalisme. Penser qu'il y ait pu y avoir une collusion entre les médecins et les directeurs de la course est non seulement absurde, mais impossible. Il suffit de savoir que plusieurs dizaines de personnes, médecins, infirmières et techniciens, se sont occupés de Senna, qui a subi de nombreux examens diagnostiques et une thérapie intensive, transfusion, aide respiratoire, administration de médicaments. Aurait-on donné tout cela à une personne pratiquement décédée? Le bon sens, à lui seul, donne une réponse aux interrogations absurdes qui sont faites. Et pour empêcher toute nouvelle spéculation, le docteur Guerra ajoute: quant à Roland Ratzenberger, qui s'est tué samedi lors des essais du Grand Prix, je vous confirme que celui-ci était encore en vie lorsqu'il est arrivé au service des urgences de l'hôpital. Le professeur Watkins, de la Fédération internationale de l'automobile, est même venu à son chevet. Mais, comme pour Senna, le traumatisme extrême qui résultait de la violence de l'impact ne nous a pas permis de le maintenir en vie bien longtemps. Pourtant, et c'est bien là que quelque chose cloche, des membres de l'équipe médicale qui sont intervenus sur l'accident du pilote autrichien témoigneront du fait qu'il n'avait plus rien à faire et qu'on l'a héliporté uniquement pour éviter que sa mort ne soit déclarée sur le circuit. D'un point de vue technique, les différentes constatations des experts déterminent que c'est la colonne de direction de la voiture qui s'est brisée. Le pilote avait demandé que cette même colonne soit modifiée pour être plus fine et donc plus légère. La justice a mis en cause les responsables de l'écurie Williams-Renault et son directeur, Frank Williams, mais n'a jamais réussi à déterminer les responsabilités exactes dans cette affaire. À Sao Paulo, trois jours plus tard, c'est un pays tout entier qui rend hommage à son héros. Dans le ciel, un cœur surmonté d'un S est tracé par une escadrille de la patrouille d'élite de l'armée de l'air. Elle donne le ton. La presse multiplie les éditions spéciales. Les chaînes de télé arborent tout un bandeau noir en bas de leur programme. De son côté, le président brésilien, Itamar Franco, décrète un deuil national de 3 jours. À la une du quotidien Globo, un titre résume l'état d'esprit général. Dorénavant, nos dimanches seront tristes. Dans les rues, les gens chantent à la gloire de l'archange déchu. Quand les Brésiliens chantent et applaudissent pour vaincre leurs larmes. Ils sont venus dès l'aurore pour accompagner le cercueil d'Ayrton Senna, l'hommage à l'idole disparue. Un événement très triste, très... on peut dire même angoissé pour tous les Brésiliens parce qu'on a perdu un héros. Le cortège est somptueux, la cavalerie officielle de Sao Paulo et le cercueil recouvert du drapeau brésilien dans une voiture de pompiers. « 25 km à parcourir depuis l'aéroport, dans une émotion populaire indescriptible. Spontanément, la foule a grossi derrière le cortège, une marche funèbre digne d'un champion du monde. « Je sens une tristesse générale d'une nation qui a perdu son idole le principal, le plus grand, qui pour nous va être l'éternel champion. Il va être toujours dans mon cœur, comme l'éternel champion du monde. » Sao Paulo, cité inconsolable, a perdu son prince, celui qui brandissait le drapeau brésilien à chacune de ses victoires. Acteur d'une success story sans égale, il fascinait les Brésiliens et constituait pour eux une forme de revanche sur les difficultés du quotidien. Il était la fierté de tout un pays, le symbole d'une époque. Il est passé de la piste au mythe et aujourd'hui encore, il n'est pas rare d'entendre prononcer son nom lors des Grands Prix de Formule 1, signe incontestable de la légende encore bien vivante d'Ayrton Senna. Sensible sur France Inter, aujourd'hui la mort d'Ayrton Senna, avec notre invité Lionel Froissart. Bonjour. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes journaliste sportif, vous avez travaillé pendant 30 ans à la rédaction sportive de Libération, vous suiviez les Grands Prix de Formule 1, vous connaissiez Ayrton Senna pour l'avoir rencontré et côtoyé, et vous lui avez consacré une bande dessinée intitulée Ayrton Senna, histoire d'un mythe, puisque vous connaissiez ce mythe. Moi, j'aimerais savoir quel homme se cachait, ou se cachait pas d'ailleurs, derrière le mythe. Non, il se cachait pas, mais c'est vrai que c'est quelqu'un dont il était difficile de percer le mystère. Il était, il imposait un respect naturel assez incroyable. Il disait que la familiarité avec lui n'était pas possible. On pouvait être très, très amis, très copains, évidemment. Mais il avait toujours cette petite distance qui faisait qu'on ne pouvait pas être totalement décontracté avec lui. C'était une espèce d'aura, comme ça, autour de lui, qui ne s'explique pas. Il y a des gens comme ça qui ont un charisme qui est tout à fait étonnant, et il faisait partie de ces gens-là. Donc, prétendre le connaître vraiment très bien. Je pense qu'il y a vraiment sa famille, son père, sa mère, sa sœur, mais les autres personnes, même très proches, ne pouvaient pas exactement. Je crois que chacun, on ne se connaît pas soi-même tout à fait. Donc, c'est, son parcours est assez étonnant parce que c'est quelqu'un qui vient d'un milieu très aisé. Il aurait pu faire n'importe quoi d'autre. Il aurait pu reprendre les affaires de son père et ne pas aller chercher à se mettre et en danger ou à se prouver des choses dans le sport automobile. Et il a choisi un métier très, très, très difficile et il a voulu absolument être le meilleur et faire dans l'excellence dans ce qu'il avait choisi. Et il s'était fixé des objectifs très, très hauts, très pointus. Si c'est une sorte d'image d'aristocrate, aristocrate dans la vie, aristocrate du métier aussi. Hein, ouais, c'est une sorte de prince comme ça. Mais à la fois, c'était quelqu'un. En plus, avec un physique avenant, ce qui compte. C'est sûr qu'il était. Il y avait beaucoup de choses pour lui. À la fois, moi, je place en premier son talent. Enfin, c'était vraiment un génie du pilotage parce que je crois qu'il acceptait de s'investir à un degré que peu de pilotes, même ceux qui sont très ambitieux, acceptent de se fixer parce que. Il a peut-être pas eu une vie super heureuse parce qu'il a consacré tellement de choses au sport automobile, s'est tellement investi. Alors, certes, il a eu des périodes, les périodes où il courait pas, où il était au repos, où il profitait de la vie, de sa famille, du pays, du Brésil. Surtout, il retournait, il s'imposait beaucoup de déplacements de retour vers le Brésil parce que c'était le pays où il se sentait mieux. Vous avez évoqué tout à l'heure son ami qui était au moment de l'accident au Portugal. Il venait de s'acheter cette maison au Portugal. Aussi à cause de la langue, il avait beaucoup d'amis là-bas, mais c'était son point de repère en Europe, mais sa vraie vie, elle était au Brésil. Et une petite parenthèse pour parler de l'ambiance de ce début de saison, de ce début d'année 94, outre ses soucis techniques avec sa voiture, dont il m'avait dit, dès le Grand Prix du Brésil, elle est terriblement difficile à piloter et surtout elle est dangereuse. Il avait aussi des problèmes personnels, on ne va pas rentrer dans les détails, mais enfin, bon, des problèmes de cœur, enfin, ça n'allait pas trop bien. Donc, il y a beaucoup de choses qui s'ajoutaient à ça. Donc, zéro point en arrivant à Imola. Il considérait que le début de la saison européenne allait être le début de sa saison à lui. Pendant ce temps-là, Schumacher lui avait gagné deux courses, mais il ne faisait pas de doute qu'il allait revenir aux avant-postes. Il était en pôle à chacune des trois premières courses. Sur un tour, il arrivait à faire des miracles. Sur plusieurs tours, ça, c'était compliqué avec cette voiture difficile. Alors, on va revenir, bien sûr, à ce 1er mai 1994, mais la description que vous en faites d'Ayrton Senna, est-ce que c'était aussi le sentiment, le ressenti des autres pilotes? C'est-à-dire que comment ils considéraient... Je ne parle pas de Prost, parce que Prost, on en parle, ça c'est différent. Hein, mais les autres pilotes, comment considéraient-ils Senna aussi? Quelqu'un difficilement abordable, au-dessus de la mêlée, un peu... Il inspirait la crainte sur la piste, par son talent, aussi par sa réputation et son pilotage qui, il est vrai, était assez, on va dire, viril. Il était assez agressif, c'était un pilote agressif, il a toujours été du kart à la Formule 1, sans être un trompe-la-mort, sans avoir provoqué d'accident, sauf, on va y revenir avec Prost, mais pour des raisons très précises. Et donc, il était craint, évidemment, et puis il était considéré, pour beaucoup, comme sans doute le meilleur pilote en activité. Donc, le battre, c'était vraiment une référence absolue, mais je pense que c'était vraiment un personnage, c'était Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Moi, je l'ai vu pendant un Grand Prix, passer d'un état c'était quelqu'un de très doux, très gentil, vous l'avez souligné, il adorait les enfants, à quelqu'un qui pouvait exprimer une violence à bord de sa voiture, mais c'est incroyable. Je garde cette scène et cette anecdote, Grand Prix de Grande-Bretagne, Silverstone, 1993. Il a donc une voiture qui n'est pas faite pour gagner, mais il se trouve qu'il est quand même aux avant-postes. Et avant le départ, il va s'installer dans sa voiture, il doit préparer son casque, il préparait toujours son casque d'une manière très, très précise. Et je l'observais, et là, il arrive dans le stand, il ne trouve pas son casque. Et c'était Bianca, sa nièce, qui l'avait mis sur sa tête. Je me suis dit, là... Elle va se faire engueuler. Et alors? Et alors, il a pris le casque avec une grande douceur. Il a caressé la tête de sa nièce, Bianca, qui s'occupe de la fondation aujourd'hui. Il a nettoyé sa visière. Il a mis son casque. Je me souviens, il était debout dans sa voiture avant de glisser dedans, de se faire attacher. Il a fait signe à sa sœur, Viviane, qui était là dans le stand. Un geste très tendre. Et les premiers tours de ce Grand Prix sont parmi les plus violents que j'ai jamais vus. C'était avec Prost. incroyable. C'est la scène, hein. C'est hallucinant. C'est typiquement les gens de scène, ils sont énervés avant la scène, et pendant la scène, ils ne sont plus. Ils sont vraiment dans leur truc, parce que ce sont des professionnels, tout simplement. On va écouter ensemble un témoignage important, intéressant. Donc, nous arrivons à ce week-end maudit du 1er mai 1994. Écoutez ce que disait Alain Prost sur l'état d'esprit de Senna avant la course. Ayrton avait été voir hier soir, après l'accident de Rosenberger, avait été voir sur la piste comment ça s'était passé, voir les marques, les traces. D'ailleurs, entre parenthèses, les officiels voulaient lui interdire d'aller voir ce qui s'était passé, et non pas pour pas le choquer, mais simplement parce que ce sont des règlements complètement stupides. Et il était revenu en disant, oui, quand il se passe un problème mécanique à cet endroit-là, il y a très peu de chances de survivre. Et j'ai pourtant l'impression que le circuit ne peut pas être mis en cause à 100% parce que ce sont des incidents mécaniques sur la voiture et que ça peut se passer pratiquement n'importe où. Je dirais qu'à la limite, ne serait-ce que pour le souvenir, on devrait peut-être plus venir ici. Alors justement, ça c'est important. Donc on rappelle le samedi l'accident de Roland Ratzenberger, terrible. Oui. Moi, je me souviens d'ailleurs de ce samedi-là. C'est vrai que ça a créé un énorme malaise. C'est normal d'avoir un pilote. Et puis, une crainte pour le lendemain. On se dit, mais est-ce qu'ils vont quand même courir? Qu'est-ce qu'il y a sur ce circuit des bosses sur l'asphalte qui déstabilise les voitures? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, l'accident de Barrichello le vendredi, c'est une simple sortie de piste. Heureusement, d'une violence terrible, mais sans conséquences pour le pilote. Conséquences graves. Ratzenberger, c'est typiquement une erreur malheureusement, de manque d'expérience de Roland Ratzenberger. Au tour précédent, il passe dans l'herbe. Personne s'en souvient ou l'évoque peu. Il passe dans l'herbe, il abîme un aileron avant et à l'attaque des courbes de Tamburello, il perd tout simplement l'adhérence sur l'avant de sa voiture et va taper un peu plus loin que l'endroit où le lendemain, Senna a malheureusement eu son accident. Voilà, c'est une casse, comme Alain Prost vient de l'évoquer, c'est une casse mécanique. Les circuits à l'époque étaient évidemment moins sûrs qu'ils ne le sont aujourd'hui. Et la conséquence, c'est tout simplement, il a tapé le mur à près de 300. Une des roues a rentré dans le cockpit. Les voitures étaient moins protégées qu'elles ne le sont aujourd'hui, elles aussi. Et voilà, donc typiquement, l'expérience d'un pilote aurait fait que après être sorti de la piste, la voiture roulait toujours, bien sûr, mais être sorti de la piste au tour précédent, il aurait dû rentrer au stand, faire vérifier sa voiture. Ce qu'il n'a pas fait, c'était son troisième Grand Prix. Et donc ça, voilà. Ça veut dire, je ne sais pas si vous aviez été directeur de course, vous auriez pris la décision de faire courir le Grand Prix le dimanche. Enfin, oui. C'était pas le circuit. Écoutez, c'est simple. Le mort précédent sur un circuit de Formule 1, c'était Gilles Villeneuve en mai 1982. Il n'y avait pas eu de mort depuis. Et le samedi des essais du Grand Prix de Belgique 82, Gilles Villeneuve se tue sur une erreur d'appréciation. Enfin, ils sont deux en cause, mais c'est surtout lui, pour plein de raisons qu'on ne peut pas développer ici. Bref, il a ce terrible accident, il se tue le samedi, la course a lieu le dimanche, personne ne se pose la question de savoir pourquoi le Grand Prix a eu lieu. Et quand Ratzenberger se tue le samedi, personne, enfin, je ne sais pas, les gens qui aiment la course, qui sont habitués à la course, ne se demandent pourquoi le Grand Prix a lieu. Simplement, après coup, vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est vrai que la loi italienne impose, quand il y a mort d'homme, d'ouvrir une enquête, donc on ne peut plus, sur les lieux, avoir une quelconque activité. Et après coup, c'est facile de dire, ah oui, mais Senna serait encore vivant si la course n'avait pas eu lieu. Mais si, vous savez, dans plein de circonstances, le destin, c'est celui-là. De la même façon que son accident est la conséquence d'une dizaine de paramètres qu'on ne peut pas vraiment quantifier en pourcentage, parce qu'il fait, vous l'avez dit, diminuer le diamètre de sa colonne de direction sur sa voiture, c'est pas pour le poids, mais c'est par confort, car je vous l'ai dit, il n'était pas du tout bien dans cette voiture, c'est pour simplement gagner 2-3 mm dans la position de la colonne de direction. Est-ce que cette colonne a été affaiblie? Sans doute. Et dans la famille des si, on peut dire, ah oui, mais regardez, si la suspension qui a transpercé son casque était passée 10 cm à gauche, il serait toujours parmi nous aujourd'hui. Oui, il n'avait évidemment absolument rien. Il avait un hématome au bas du dos, sauf qu'il avait la tête transpercée par ce morceau de carbone. Bien, Yann François, il est de tradition d'écouter une des chansons qu'on écoutait à l'époque, en 1994, et en l'occurrence, c'est Blur, Girls and Boys. La mort d'Ayrton Senna le 1er mai 1994 sur le circuit d'Imola. Lionel Froissart, spécialiste de la Formule 1, est là pour nous en parler. Je rappelle que vous avez été journaliste à Libération pendant 30 ans, que vous avez couvert la Formule 1. Alors, on va parler de sécurité, puisqu'à partir de cet accident, l'accidentologie, j'espère, apporte des enseignements sur la sécurité, un peu comme pour les avions. Cela dit, le circuit d'Imola est-il encore un circuit considéré comme dangereux, délicat, sur le circuit général de la saison? Il faisait partie des circuits où c'était mieux de ne pas sortir, ouais. Mais pas beaucoup plus dangereux que beaucoup d'autres à l'époque. Alors, pour reprendre un peu, justement, parler d'accidentologie et des enseignements qu'on en tire, je voudrais rétablir une petite vérité. Beaucoup de gens ont dit « Ah oui, l'accident de Senna a fait que les voitures ont été très améliorées en termes de sécurité ». Il a quand même fallu attendre le Grand Prix de Monaco. Avec un autre accident. Avec un autre accident, celui de Karl Wendlinger. 94 aussi. Hein. 94, un mois plus tard, où on pense que Wendlinger, malheureusement, lui aussi, ne va pas survivre à ses blessures, au choc en tous les cas, pour que là, la fédération prennent de vraies mesures pour faire évoluer la sécurité des voitures et depuis des circuits, c'était un peu plus long de faire évoluer les circuits que de faire évoluer la sécurité des voitures. Mais après l'accident de Senna, j'avais appelé ça des mesurettes et je me souviens très bien que ça avait beaucoup choqué Max Mosley, alors président de la FIA, qui me l'avait reproché en public, ce qui m'avait pas du tout dérangé parce que c'était la stricte vérité. On avait mis une chicane par-ci, un petit bricolage par-là. Quand un journaliste dit des choses qui dérangent, c'est bon signe en principe. Oui. Mais enfin, en tous les cas, il a fallu cet accident. Ça ne veut pas dire que les choses n'auraient pas évolué, mais sans doute plus lentement. Mais ce qui s'est passé à Monaco, c'est que, bon, bien sûr, Wendlinger était dans le coma, mais surtout, la F1 était en grand danger. Et ça, c'était quelque chose qui dérangeait beaucoup plus. Bah, parce qu'on ne pouvait pas continuer à faire un spectacle où, tous les 15 jours ou tous les mois, un pilote pouvait se tuer en Mondovision. Donc, ce qui a beaucoup choqué aussi, c'est que l'un des plus grands pilotes de tous les temps se soit tué en direct, qu'on ait tout vu. Enfin, on ait vu les images, vous l'avez dit, allongé par terre, les médecins intervenants, etc. Voilà. Et puis, parce que c'est Senna aussi. Puisque, malheureusement, on ne se souvient pas beaucoup de Ratzenberger. Donc il a fallu tout ça, et je dois reconnaître que les voitures ont beaucoup évolué, mais avant l'accident de Senna, il y avait déjà quelque chose qui avait été entrepris par Jean-Marie Balestre. Il avait beaucoup de défauts, mais il aimait les pilotes et il n'avait pas envie que les pilotes se fassent mal dans les voitures. Et les voitures, aujourd'hui, c'est vrai, on l'a vu malheureusement avec Bianchi, le côté encore très sensible, c'est la tête des pilotes qui n'est pas protégée. Pas beaucoup. Alors, analyse intéressante. Claire Regazzoni, vous vous souvenez, ancien pilote de Formule 1, vice-champion du monde en 74, est paralysé à la suite d'un grave accident sur sa monoplace. Pour lui, le problème vient de la vitesse excessive des voitures. On va l'entendre, on réagira après. Et c'est pas la sécurité, ce sont les voitures qu'il faut changer, pas la sécurité. Moi je le dis depuis 20 ans, le problème c'est dans les voitures. Alors on améliore la sécurité et l'année prochaine on a des voitures qui vont toujours plus vite. On améliore encore et toujours plus rapide, jusqu'à on arrive au moment que le bon Dieu, il ne travaille pas et le pauvre, c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Cette folie, parce qu'on dépense de l'argent pour une technologie qui sert à quoi? À rien, ça ne sert à rien. C'est une technologie que les Américains utilisent pour aller dans l'espace. Nous, on doit faire un spectacle, on doit faire du sport, là. Ils ont profité pour construire des machines de mort, des voitures. Parce que si on courait aujourd'hui avec les voitures, avec la puissance d'il y a 20 ans, les circuits sont très sûrs. Parce que là, on n'arrivait pas à 320 à l'heure. On arrivait à 200 à l'heure. Alors, dans le moment qu'il y a l'accident, c'est la vitesse qui fait la différence. Ça, c'en est top. Alors justement, puisque vous commentez Lionel Froissart, c'est vrai qu'on se dit c'est de bon sens. À quoi ça sert d'aller à 300 non, oui. À 200, on pourrait faire des très belles courses. Non, pas à 200. Moi, je ne suis pas la peine de faire de la F1 à 200. D'accord. 200, c'est les Formule 3. Mais non, Claire a raison, oui et non. Parce que d'abord, la F1, c'est le summum du sport automobile. Les voitures elles deviennent dangereuses à partir du moment où, humainement, elles sont difficiles à conduire, où le pilote n'a plus vraiment le contrôle des voitures. Il faut savoir qu'il n'y a pas très longtemps encore, les pilotes de F1 avaient des problèmes de retour veineux, enfin, ce que rencontrent les pilotes de chasse. Il aurait presque fallu leur mettre des combinaisons anti-G, parce qu'ils prenaient régulièrement 5G au freinage, beaucoup de G, donc une force latérale aussi très importante dans les courbes, et elles devenaient difficiles à conduire, et puis si elles décrochaient, il n'y a plus grand chose à faire. Donc, bien sûr, alors ça vient de l'aérodynamique. Et d'année en année, les législateurs ont essayé de diminuer cet effet aérodynamique qui rendait les voitures effectivement collées au sol, beaucoup trop rapides en courbe. Qu'elles aillent vite, ça veut rien dire la vitesse. Une F1, c'est vraiment pas ce qui va le plus vite en termes de course automobile. Ce qui va vite, c'est les voitures qu'on va voir dans 3 semaines aux 24 heures du Mans. Elles vont régulièrement à plus de 320, 330, 350 km/h dans la ligne droite. Les Hinaudières, qui a été massacrée, mais bon. La particularité d'une Formule 1, c'est, vous l'avez dit, d'accélérer en très peu de temps de 0 à 100, 200, 300 km/h, de passer vite en courbe et de freiner de 350 à 80 km/h en 85 mètres. Voilà les caractéristiques d'une Formule 1. Ça la rend absolument imbattable par toutes les autres voitures. Elle est légère, vive, très violente à conduire. Quoique aujourd'hui elles soient un peu plus faciles qu'elles ne l'ont été à cette époque. Donc, c'est rendre les voitures plus lentes, ça ne veut pas dire grand-chose. En plus, les circuits sont tellement aseptisés aujourd'hui qu'il y en a très peu qui sont encore dangereux. Bien, Lionel Froissart, je vais vous poser une question absurde, oui. Très difficile, et en plus c'est d'autant plus absurde que vous avez 3 secondes pour répondre. Oui, 3 secondes. Senna, le plus grand pilote de tous les temps. Je vais mettre Jim Clark juste devant lui. Ah bah écoutez, voilà, la réponse est claire, nette et précise. Merci en tout cas, merci pour tout. J'en prie. C'était Affaires Sensibles, aujourd'hui la mort d'Ayrton Senna, une émission que vous pouvez réécouter en podcast sur franceinter.fr. Rendez-vous également sur la page Facebook d'Affaires Sensibles. Demain, nous évoquerons la disparition du journaliste Guy-André Kieffer en 2004.